Chapitre 20e, le major trouve son élève beaucoup trop fin. Sir Partlistle rentra au château de si belle humeur que les enfants s'arrêtaient sur la route pour regarder le jeune homme qui passait au grand galop. Généralement, c'était un cavalier assez timide, allant rarement plus vite qu'au pas, et l'homme de la loge se demanda ce qu'il pouvait y avoir quand il vit Sir Rupert s'élancer dans l'avenue. Quand il sauta à terre devant le perron, son visage était baigné de sueur. Il ôta son chapeau gris et s'en servit comme d'un éventail en gravissant les marches. Il y avait quelques chaises en osier dans la serre par où on entrait. Sur l'une de celles-ci, le major était assis. Il retira de sa bouche le bout d'ambre de sa pipe d'écume quand le jeune baronnet entra. « La cathédrale de Chichester est-elle en feu, mon cher Rupert ? » dit-il. « Et êtes-vous venu chercher la pompe de Littlewood Park ?»« Elle est remisée dans la grange, je crois, et c'est Jacob le jardinier qui en a les clés. Vous feriez bien de le lui demander. » Le major se mit à rire de son rire mélodieux, et il contempla sans bouger le baronnet. « Gardez votre esprit pour ceux qui l'apprécient, » répondit le jeune homme d'un ton boudeur. « La cathédrale de Chichester pourrait brûler jusqu'à ras de terre, et vous avec elle, que je ne m'en inquiéterai guère. « Vous êtes plein de reconnaissance, mon cher Rupert, » murmura le major. « Et toute la ville de Chichester par-dessus le marché, » continua le jeune homme. « Qu'est-ce que tout cela me fait? Je suis l'homme le plus heureux du comté de Sussex, et j'aurai la plus belle femme du Sussex. » La plus belle femme. Le major s'arrêtait entre chaque mot, ouvrant de grands yeux, jusqu'à ce qu'enfin il contempla en silence le baronnet, comme s'il ne revenait pas de la surprise qu'il avait éprouvée. Sir Rupert ne se sentait pas à l'aise sous le regard immobile des yeux bleus du major. Ne me dévisagez pas comme cela, dit-il d'un ton furieux. Je ne suis ni une curiosité, ni un frère siamois, ni un cochon à tête de femme. Vous n'avez pas payé un shilling pour me voir, n'est-ce pas? « Sur ma parole, » continua-t-il avec fureur, « je n'aime pas la manière dont on me traite ici, et je ne la supporterai pas plus longtemps. Parce que mon éducation n'a pas été aussi soignée qu'elle devrait l'être chez un homme de mon rang, je ne veux pas être tyrannisé, ni recevoir d'ordre, ni être regardé comme une curiosité par un officier sans le sou, à qui il a plu de s'installer chez moi. Vous entendez? Je ne le souffrirai pas. » La voix tremblante du baronnet devint un cri de rage et de fureur en prononçant ces mots. Le major aspira trois ou quatre bouffées de sa pipe avant de paraître avoir entendu cet éclat de colère. « Attendez, » dit-il tranquillement, « Sir Rupert Little, voilà la seconde fois que vous m'insultez dans cette maison. Maintenant, comme vous êtes la dernière personne à laquelle je consentirai à pardonner une insulte, je saisirai la prochaine occasion de vous faire quelques remontrances d'une façon qui ne manquera pas de vous produire un certain effet. En même temps, je dois vous prier d'être assez bon pour revenir au sujet dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez parlé d'une femme, la plus belle femme de Sussex. Dites-moi, je vous prie, ce que vous entendiez par là. » « Voilà ce que je voulais dire, » tonna le baronnet. « Je voulais dire que j'ai offert ma main à Miss Olivia Marmaduke et qu'elle l'a acceptée, et que dans moins d'un mois, elle sera Lady Lestrade. Entendez-vous cela, Lady Lestrade ?»« Vous vous êtes un peu trop pressé, mon cher Rupert, » dit-il en souriant. Il eût beaucoup mieux valu pour vous de retarder un peu, et vous eussiez surtout épargné à la jeune femme beaucoup d'embarras inutiles, si vous aviez d'abord consulté vos amis. Mais n'importe, les enfants sont les enfants. Vous avez été un peu impétueux, et nous en reparlerons ce soir. » Sir Rupert Little ne voulut pas en entendre davantage. Il sortit de la serre en fermant avec fracas la porte vitrée derrière lui. Un petit épagneul qui était dans le vestibule courut à lui, et le jeune homme, dans sa colère, écarta violemment l'animal. Claribel entendit les cris du chien et entr'ouvrit la porte du salon pour savoir ce qui était arrivé. « Vous aurez, ma chère, à enlever vos chiens d'ici dans un mois, » dit Sir Rupert. « Je vais donner une nouvelle maîtresse au château. »« Que voulez-vous dire, Rupert ?»« Je veux dire que je vais me marier avant un mois. » »« Mais vous paraissez tous si surpris, qu'on dirait en vérité que je n'ai plus le droit de choisir ma femme moi-même. » Vous auriez pu certainement vous montrer un peu moins impatient, Rupert, répondit Mrs. Walsingham. Ah oui, sans doute, c'est-à-dire que j'aurais pu demander votre consentement, et le consentement du major Barney et celui de Master Arthur Walsingham, votre fils favori. Je vais vous dire une chose. Vous vous entendez tous, prenez la haute main sur moi, mais je suis un peu trop fin pour vous, et je veux être mon maître. Mrs. Walsingham tourna le dos au baronnet et rentra au salon sans rien répliquer. Depuis quelque temps, il y avait eu entre elle et son fils aîné une froideur qui avait augmenté chaque jour. Si amèrement qu'elle eût pleuré sa perte, elle était peut-être plus chagrine depuis qu'elle l'avait retrouvée, car elle avait découvert avec douleur que son enfant n'était plus digne de son amour. Près de 15 ans passés dans la société d'un misérable avaient tellement changé l'esprit jadis innocent de l'enfant que la mère tremblait de plus en plus à mesure qu'elle connaissait mieux son fils. Elle fit tout ce qui était en son pouvoir pour cacher ce sentiment, mais malgré ses efforts, sœur Robert le vit, s'en aperçut, et il s'aperçut aussi qu'Arthur Walsingham était l'enfant préféré. Ni son entrevue avec le major, ni celle avec sa mère n'avait calmé la colère du baronnet, et malgré l'orgueil triomphant qu'il ressentait d'avoir été accepté par Olivia Marmaduke, il conserva tout le jour une humeur farouche. Pour son esprit étroit, le calme du major était une preuve que Varney le craignait, et qu'il pouvait en conséquence se conduire à l'égard de ce dernier comme il l'entendait. Pendant toute la journée, il saisit toutes les occasions de l'insulter et de le défier. Il se vanta de sa richesse et railla la pauvreté des autres. Après dîner, il parla de ses vins et demanda au major s'il avait jamais bu du bordeaux pareil à son mess au Bengale. Encouragé par la placidité de l'officier, il devenait à chaque moment plus insupportable. Quand Mrs. Walsingham lui adressa les reproches de sa conduite peu hospitalière, il éclata de rire et dit que le major n'y faisait pas attention quand cela venait de lui. Que le major, lorsqu'il avait mis la main sur quelque chose de bon, savait le garder et qu'il aimait trop le confortable pour s'offenser. « Dites à votre femme de chanter, major, » dit le baronnet plus tard dans la soirée. « Elle peut bien faire quelque chose pour nous amuser, si vous ne le pouvez pas, vous. » « Le prince désire que vous chantiez, Adeline, » murmura le major à l'oreille de sa femme. « Mettez-vous au piano et prenez votre musique. » Mrs. Varney obéit en silence, et s'étant assise au piano, elle choisit une quantité de musique au casier placé à côté d'elle. « Demandez à son Altesse royale ce qu'il lui plaira d'entendre, » dit le major. « Oh, quelque chose de suisse, » répondit Sir Robert, « quelque chose de gai avec des tralalala au bout des vers. » Olivia, je veux dire celle qui sera Lady Lessel, chante des chansons suisses, et je ne pense pas que personne puisse les chanter comme elle. Mrs. Varney ne peut pas chanter aussi bien que la future Lady Lessel, dit tranquillement le major, mais elle passe pour avoir une voix assez agréable, et elle fera de son mieux pour plaire à votre Altesse. Mrs. Varney resta au piano, faisant entendre ballade sur ballade avec sa puissante voix de contralto. Quand le jeune baronnet en eut assez, il lui dit poliment qu'elle pourrait cesser quand elle voudrait. Et cette dame quitta le piano sans être accablée des témoignages de sa gratitude pour les efforts qu'elle avait faits pour lui plaire. Arthur Walsingham, qui était venu faire une courte apparition au salon, quitta des yeux le livre qu'il lisait à côté de sa mère et dit d'une voix grave « Je vous remercie infiniment pour votre chant délicieux, Mrs. Varney. Mon frère vous remercierait s'il était vraiment gentilhomme. Malheureusement, comme il n'est rien de semblable, permettez-moi de le faire à sa place. » L'enfant avait rougi toute la soirée de la conduite de Sir Rupert envers ses hôtes, et il lui parlait plus tôt, s'il n'aimait pas mépriser le major de ce qu'il ne ressentait pas l'insolence du baronnet. Sir Rupert leva les yeux sur son frère, comme s'il allait répliquer quelque chose. Arthur et lui avaient une fois une rencontre à coups de poing, après laquelle le baronnet s'était montré fort réservé dans sa conduite envers le jeune Walsingham. Mrs. Varney jeta sur le jeune homme un regard de reconnaissance. « Votre père était un gentilhomme, Arthur Walsingham, » dit-elle, « bien que j'eusse peu de raisons pour l'aimer, et je pense que vous êtes comme lui. » Jamais le brillant major n'avait été aussi calme que ce soir-là. Il se tenait dans un fauteuil près du feu, apparemment peu préoccupé de ce qui se passait autour de lui. Mais quand à 10h30 le baronnet quitta le sofa où il avait sommeillé et se dirigea vers la table sur laquelle était placé le plateau au bougeoir, le major quitta son fauteuil et se tint debout près de la table, attendant que Sir Robert eût allumé sa bougie. « Vous êtes tous si ennuyeux, » fit poliment observer le baronnet, « que je vais me coucher. »« Eh bien, » ajouta-t-il en se tournant vers le major, « qu'attendez-vous? Pourquoi n'allumez-vous pas votre bougie ?»« Parce que je ne vais pas à ma chambre, » répondit le major, « je vais à la vôtre, Sir Robert Lessel. » Il y avait quelque chose dans la voix du major qui résonna étrangement à l'oreille de son hôte. Sir Robert leva les yeux et rencontra ceux du major Varney. Il devint d'une pâleur mortelle. « Je ne puis rester plus longtemps hors du lit pour entendre vos absurdités ce soir, » dit-il vivement. « Si vous avez quelque chose à me dire, vous attendrez bien jusqu'à demain matin. » Il ne me plaît pas même d'attendre une heure. Je vous ai dit ce matin qu'il fallait que nous eussions une explication en temps convenable. Soyez assez bon pour vous rendre à votre chambre. Mais je vous dis, commença le baronnet, soyez assez bon pour passer le premier, dit le major avec fermeté en ouvrant la porte du salon. Sir Rupert hésita un moment, mais le visage inflexible du major l'effrayait. Il prit le flambeau et se dirigea vers sa chambre. Le major le suivit de près, et quand il fut entré après le baronnet, il ferma au verrou la porte derrière lui, mettant la clé dans sa poche. C'était un appartement magnifique. Les boiseries et le plafond étaient en chêne foncé, avec des corniches et des panneaux finement sculptés. Un de ces panneaux était sculpté différemment des autres et orné d'un médaillon représentant un abbé mitré. C'était le panneau à coulisses qui ouvrait sur l'escalier secret. Les tentures du lit et des fenêtres étaient en velours violet doublé de satin blanc. L'immense chambre avait l'air sombre et triste, et n'était éclairée que par la bougie que portait le baronnet. Sir Rupert regardait le major mettre la clé dans sa poche. « Pourquoi avez-vous fermé cette porte au verrou ? » demanda-t-il. « Parce que je ne veux pas être interrompu dans ce que j'ai à vous dire, Sir Rupert Lessel. » Les yeux bleus du major avaient une certaine solennité terrible. La bouche, toujours souriante, était immobile et sévère. Tout ce qu'il y avait de débonnaire, de bienveillant et de brillant en lui avait fait place à une expression concentrée de détermination terrible. Le baronnet regarda furtivement sur sa table de toilette, où, au milieu d'une foule de flacons de cristal rehaussés d'or, se trouvait un étui en maroquin contenant une paire de rasoirs. « Posez cette bougie, Sir Rupert, dit le major, et soyez assez bon pour vous asseoir. Je ne vous retiendrai pas longtemps. « Je laisse faire bien, répondit le jeune homme, s'efforçant de paraître brave. Je vous avertis que si vous parlez longtemps, je m'endormirai. » Et il affecta de bâiller. « Je ne crains pas que vous vous endormiez au milieu de ce que j'ai à vous dire, Sir Rupert Lessel. Dépêchez-vous alors, qu'est-ce que c'est ?»« Sir Rupert Lessel, dit le major en le regardant en face, « quand les gens sont assez aveugles pour ne pas discerner ce qui est leur intérêt, pour ne pas reconnaître ceux auxquels ils doivent tout ce qu'ils possèdent, et ne pas savoir qu'ils ont le pouvoir de détruire leur œuvre aussi bien que de l'achever, ils sont fous, et comme tels, ils doivent être traités. » « Souvenez-vous de cela, Sir Rupert. Des hommes plus sages que vous ont fini leur misérable existence dans les cellules d'une maison de fous. Il vous a plu de m'insulter à plusieurs reprises dans le cours de la journée, et il ne m'a pas plu de m'apercevoir de votre conduite une seule fois. Non pas, croyez-le bien, parce que je n'avais pas le pouvoir de vous en faire repentir, mais parce que je n'y étais pas porté. Je défie qui que ce soit de dire qu'il m'ait jamais vu en colère, sous n'importe quelle provocation que ce soit. Je ne suis pas bon, mais j'ai un bon caractère. Cela me donne quelque influence sur le reste du monde. On prend toujours un homme qui possède un bon caractère pour un homme bon. Il a un sourire aimable et un rire joyeux. Il peut comploter la ruine de son prochain, mais il le regardera sans seulement froncer le sourcil. Si j'étais forcé de tuer un homme, je le ferais sans perdre mon sang-froid. Quand je ressens une insulte, ce n'est pas par des paroles de colère que je me venge, mais par des actes décisifs. Si un homme m'insulte, je puis sourire et lui pardonner. S'il se met en opposition avec moi, je puis encore sourire et l'excuser. Soyez assez bon pour vous bien mettre ceci dans la tête, Sir Rupert Lessel, et évitez de m'offenser. » Le jeune homme avait attiré sa chaise auprès du feu. Il voulait faire croire au major que le frisson qui l'agitait des pieds à la tête était occasionné par le vent glacé d'octobre. Personne n'a voulu vous offenser, major, dit-il. S'il était dit quelque chose qui vous ait déplu, sans doute c'était pour rire. Vous êtes un homme trop intelligent pour n'avoir pas vu que ce n'était qu'une plaisanterie. Quant à mes sentiments pour vous, vous ne supposez pas que je sois assez fou pour ne pas savoir que vous êtes mon meilleur ami, et que vous m'avez rendu mes droits, et que tout ce que j'ai est à vous. Eh bien, maintenant, est-ce cela ? Il tendit sa main au major avec un faible sourire conciliateur. « Est-ce cela ? » répéta-t-il. « Non, » répondit le major, « pas encore. On a parlé ce matin de mariage. Pensiez-vous ce que vous disiez alors ?»« Oui, » dit Rupert. « Alors, si vous avez nourri cette idée, ce Rupert, il faudrait que vous y renonciez. Y renoncer entièrement. Il ne me convient pas que vous vous mariez. » « Eh bien, sur ma parole, » dit le baronnet, « je crois que vous poussez la chose un peu trop loin, Major Barney. Ainsi que je vous l'ai dit, tout ce que j'ai est à votre service. Vous pouvez user de ma maison et de mon banquier, mais vous n'avez pas le droit de vous occuper du choix que je fais d'une femme. C'est une trop bonne plaisanterie. » Vous verrez que c'est loin d'être une plaisanterie, sort reporte, si vous essayez de continuer. S'il y a le moindre engagement entre vous et Miss Olivia, cet engagement doit être rompu. Il ne le sera jamais, s'écria Sir Rapport, ni pour vous, ni pour aucun être au monde. Je ne renoncerai à Olivia Marmaduke. Dans un mois, à dater de ce jour, elle sera Lady Lissell. Fou, s'écria le major, aucune Lady Lissell n'entrera ici tant que je vivrai pour l'empêcher. Jamais aucun héritier ne naîtra de vous pour me frustrer de votre fortune, que sans moi vous n'auriez jamais eue. Aucune femme extravagante ne dissipera les millions qui, sans mon intelligence et mes combinaisons, seraient maintenant entre les mains d'un étranger. Vous voudriez vous marier. Vous voudriez amener ici une femme qui gouvernerait votre maison. Vous voudriez faire de Olivia Marmaduke une Lady Lissell. Vous qui, sans moi, auriez peut-être vécu dans un atelier, ou qui seriez mort en prison. Que le ciel vous vienne en aide, si vous me forcez à tourner contre vous les moyens que, pendant 14 ans, j'employais dans votre intérêt. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » dit le jeune homme avec la faible résolution qui lui tenait lieu de courage. « Mais je sais que, quoi qu'il puisse arriver, je maintiendrai ce que j'ai dit et Olivia Marmaduke sera ma femme. »« Elle ne sera jamais, Lady Lissell, » répliqua le major en ouvrant la porte de la chambre. « Bonsoir, seigneur de Lisselwood. Vous avez choisi votre voie et je dois choisir la mienne. Il y a 2 ou 3 petites choses que vous ne comprenez pas. Je vais envoyer M. Salamons vous les expliquer. » Sir Rupert se déshabilla et se mit au lit. Il dormait depuis une demi-heure quand il fut réveillé par M. Alfred Salamons, qui se tenait debout auprès du lit avec une lumière à la main. Le jeune homme aimait M. Salamons beaucoup plus qu'il n'aimait son maître, et il ne s'alarma pas le moins du monde de la présence du balai juif. « Eh bien, qu'est-ce que c'est, Salamons ? » demanda-t-il. « Ou rien de très particulier. » « Quelques mots seulement à vous dire de la part de mon maître. Dites-le vite, que je puisse m'en rendormir. »« Vous savez, Sir Rupert, » dit le valet en regardant prudemment autour de lui, « que l'on dit que les murs ont des oreilles. »« Et comme ce que j'ai à vous dire est un secret, peut-être ferais-je bien de vous le dire tout bas. » M. Salamon s'approcha ses lèvres de l'oreille du baronnet et lui dit à voix basse 2 ou 3 phrases. Sir Rupert Lissell éclata de rire. Il riait au point que ses épaules se soulevaient sous les couvertures. « Est-ce tout ?» dit-il quand il finit de rire. « Est-ce tout ce qu'un homme aussi fin que le major Granville Barnet vous a envoyé me dire ? Dites-lui, avec mes compliments, que je le sais depuis longtemps et que j'épouserai Olivia Marmaduke avant un mois. »